son petit air dangereux. Le diable est tombé amoureux. Sa guitare sur le dos, une jolie chanson en cadeau qui parle d'amour et d'Obispo. Est arrivé Marc Perrino. D'un arc-en-ciel. Alors ce qui reste du sommeil s'évapore aux rayons du soleil.